Chapitre 10. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, et son frère André. Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon le nationaliste, et Judas Iscariote, qui livra Jésus à ses ennemis. Jésus envoya ses 12 hommes avec les instructions suivantes. N'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs, et n'entrez pas dans des villes de Samarie. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. En chemin prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ramenez les morts à la vie, rendez purs les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise, ne prenez ni chaussures, ni bâtons. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous y recevoir et restez chez cette personne jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites « La paix soit avec vous ». Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre salut de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre salut de paix. Si dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le déclare, en vérité, au jour du jugement, le châtiment sera moins dur pour les habitants de Sodome et de Gomorre que pour les habitants de cette ville-là. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. On vous fera comparaître devant des dirigeants et des rois à cause de moi, pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Des hommes livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le déclare, en vérité, vous n'aurez pas achevé de passer dans toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Aucun élève n'est plus grand que son maître. Aucun serviteur n'est plus grand que son patron. Il suffit que l'élève devienne comme son maître et que le serviteur devienne comme son patron. Si l'on a appelé le chef de famille Belzébul, on donnera des noms pires encore aux membres de sa famille. Ne craignez donc pas les hommes. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour, et ce que vous entendez en secret, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut détruire à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le permette. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient. Mais celui qui aura affirmé publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix au monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. L'homme qui vous reçoit me reçoit. Et l'homme qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète de Dieu parce qu'il est prophète de Dieu, recevra la récompense accordée au prophète. Et celui qui reçoit un homme juste devant Dieu, parce qu'il est juste devant Dieu, recevra la récompense accordée à l'homme juste. Je vous le déclare. En vérité, celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région.